إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous sommes toujours dans la continuité de nos œuvres ou les actes qui permettent d'entrer au paradis, les opportunités d'entrer au paradis. Hier, on s'est arrêté au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, kalimatan khafifatan ala al-lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Le hadith est rapporté par al-Bukhari et Muslim. Donc deux paroles. Et les paroles, bien sûr, ce sont, chez les linguistes, donc quelque chose qui va amener une faïda, quelque chose qui aura un sens. Donc, ils sont légères dans la langue. Si elles sont légères dans la langue, c'est une preuve qu'elles sont faciles à dire. C'est une preuve qu'elles sont faciles à dire. Et si on ne le dit pas assez, ou on ne le dit pas, donc ça sera Adam Tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on n'aura pas eu cette réussite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elles sont lourdes dans la balance. Elles sont lourdes dans la balance. Lourdes dans la balance, on voit que là on a un opposé, on a un contraire vis-à-vis de légère pour la langue. Légère pour la langue. Aimer au prix du miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui va te faire miséricorde vis-à-vis de ces paroles que tu vas prononcer, des paroles qui sont trop importantes. Elles ont une importance énorme. C'est pour ça que la récompense, elle est justement énorme, elle est immense. C'est ces paroles qui sont subhanallah wa bihamdihi. Et lorsque tu dis subhanallah, donc tu vas glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que tu vas l'éloigner. Donc, le tasbih, c'est al-bu'd. C'est le fait d'éloigner Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas l'exempter, tu vas l'innocenter de tout manquement, de tout défaut, de tout ce qui va nous prêter à défaut. Alhamd, c'est le contraire. Alhamd, c'est le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala par tout ce qui est bien. Donc ces deux paroles-là, elles sont associées, on les retrouve tout le temps. On les retrouve énormément ensemble, justement, afin de... Donc ça, c'est si on entre dans le domaine des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait d'affirmer, de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala des attributs, donc les attributs les plus nobles, ainsi que de l'innocenter et de l'exempter de tout manquement, de tout défaut. Et bien sûr, donc cette parole-là, qui est facile à dire, il est recommandé donc de la dire énormément, afin d'avoir justement dans son registre, ou d'avoir dans cette balance, énormément de récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours vis-à-vis des invocations, ou du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La an aqul, subhanallah » والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إليا مما طلعت عليه الشمس. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, si je dis subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, est plus aimé auprès de moi que ce qu'il y a sur cette terre, ce qui sera en dessous de ce soleil lorsqu'il se lève, c'est-à-dire dunya wa ma fiha, c'est-à-dire la vie d'ici-bas et ce qu'elle comprend, la vie d'ici-bas et ce qu'elle comporte. Et ce sont bien sûr des paroles du Coran. Ce sont des paroles du Coran, ce sont les paroles les plus préférées auprès d'Allah, les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des paroles dont tu peux aussi dire en choisissant l'ordre. Il n'y a pas d'ordre précis dans cette doua. Alors tu peux choisir. Car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune jeûne ou aucun prière si tu commences par tel ou par tel. Et celui qui dit aussi donc ses invocations, lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par al-Bukhari Muslim, man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir fi kulli yawmin mi'ata marra kanat lahu 'idla 'ashr riqab wa kutibat lahu mi'at hasana ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى ينسي. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui dit لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 fois dans son jour, dans une seule journée, lui sera compté comme s'il avait libéré 10 esclaves, comme s'il avait libéré 10 esclaves. Et lui sera écrit 100 hasana et lui sera effacé 100 péchés. Et ce sera une protection contre Shaitan ce jour-là. Ce sera une protection pour lui contre Shaitan ce jour-là, jusqu'à ce que le soir vienne, jusqu'à ce que la nuit tombe. Et il dit aussi par la suite, sallallahu alayhi wa sallam, وَلَمْ يَتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلِ مِمَّا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَحَدٌ عَمِنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. Et personne ne fera ou ne commettra de meilleurs actes, sauf celui qui va en faire plus. C'est-à-dire, si plus tu augmentes, plus Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser. Plus Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser. Et dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis de ses du'as, vis-à-vis des quatre paroles qui sont citées, il dit, donc celui qui le dit 10 fois, c'est comme s'il libérait 4 fils d'Adam, 4 fils d'Ismaïl, 4 enfants d'Ismaïl. Et s'il le dit 100 fois, c'est comme s'il libérait 10 fils d'Ismaïl, 10 enfants d'Ismaïl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il mentionne les enfants d'Ismaïl, c'est-à-dire c'est comme si tu libérais donc des gens, et parmi eux peut-être le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est un enfant d'Ismaïl, parce que c'est la meilleure lignée. Donc tu as libéré 4 ou 10, bien sûr selon le nombre de fois que tu auras dit, le nombre de fois que tu auras mentionné ces invocations, les meilleures donc des personnes, les meilleures ou les plus nobles des personnes, les plus nobles des personnes. Et bien sûr donc ce sont les paroles les plus aimées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Tabarani, et il a été donc déclaré comme hassan par Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhim jami'a, ma amila ibn Adam amalan anjalahu min adabillah, min adabillahi min zikrillah, min adabillahi min zikrillah. Donc le fils d'Adam n'a jamais commis d'acte qui va être le, qui va le plus le sauver du châtiment d'Allah que le rappel d'Allah, que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les récits prophétiques ou même les versets coraniques dans ce sujet sont énormes, sont nombreux. Et plus on voit dans un sujet de preuves coraniques ou de récits prophétiques, plus le sujet est important, plus le sujet va rester important. Parmi les bénéfices et parmi les choses qui font entrer les gens au paradis, c'est la miséricorde. Le fait d'être miséricordieux envers les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Tirmidhi et qui a été authentifié par l'imam Albani, rahmatullah alayhi, rahimun, yarhamuhum rahman, irhamu min fir'ab, yarhamukum min fis sama, yarhamukum min fis sama. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, les miséricordieux, leur fait miséricorde, le miséricordieux. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, vous fera miséricorde celui qui est dans le ciel, celui qui est dans les cieux. Et c'est pour cela qu'on retrouve dans certains livres, et parmi ceux qui écrivent beaucoup cela, donc Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmallah, I'lam, rahmallah, ou autres, donc il fait dua pour toi, c'est une dua pour toi, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te fasse miséricorde. Donc c'est la miséricorde aussi du shirk qu'il donne à son élève. C'est aussi une façon de se rapprocher de l'élève, et c'est aussi une miséricorde du shirk qu'il donne à son élève. La première miséricorde que le shirk puisse donner à son élève, c'est justement de lui apprendre et de lui enseigner cette science, de lui enseigner la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le miséricordieux, il va être vis-à-vis des gens, et plus il se rapproche d'une personne, plus il devra être miséricordieux. Plus il se rapproche d'une personne dans la lignée ou dans la vie quotidienne, plus il devra être miséricordieux envers elle. Donc il faut être miséricordieux envers tout ce qui est sur cette terre, que ce soit les gens, les animaux, c'est-à-dire la terre ou les arbres et la fruit, et autres. C'est-à-dire il faut être bon avec tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous entoure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi « Man la yarham la yurham » Celui qui ne fait pas miséricorde, il ne lui sera pas fait miséricorde. Et vous connaissez le hadith où la personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit qu'il y avait autant d'enfants et qu'il n'avait jamais embrassé l'un de ses enfants. Jamais embrassé. On imagine un petit peu la dureté du cœur d'une personne qui n'arrive pas à embrasser un bébé ou un enfant. contraire, on sait que c'est Thamarat al-Fouad. C'est Thamarat al-Fouad. Donc c'est vraiment le fruit de ton cœur. L'enfant, c'est le fruit de ton cœur. Comme l'a mentionné Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a pris l'enfant d'un serviteur. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'enfant d'un serviteur et qu'il a dit aux anges, vous avez pris donc mon serviteur, le fils de mon serviteur, les anges ont dit oui, vous avez pris le fruit de son cœur, les anges ont dit oui. Donc, il a été appelé le fruit de son cœur. Donc, on voit bien que la miséricorde ne peut être que là, vis-à-vis justement des enfants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a regardé d'une façon étonnante. Et après, il a sorti cette parole. Et après, sallallahu alayhi wa sallam donc, a mentionné cette parole. Une parole qui reste légère, mais qui est lourde de conséquences. C'est-à-dire que tu ne vas pas recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, c'était l'exemple parfait dans toutes les choses. Et, dans sa mérite, et parmi les signes de sa miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui vient le voir et qui lui dit qu'il avait une fille. C'était à l'époque, le Jahiliya, avant que l'islam vienne, il avait une fille, donc il fallait qu'il l'enterre vivante, ou bien il fallait qu'il fasse en sorte qu'elle meure, que cette fille-là meure. C'était une honte pour eux, c'était une honte pour eux. Ou par le fait, qu'il préférait les garçons pour avoir une tribu, pour avoir un grand groupe de garçons pour se battre, et aussi par le fait, c'est-à-dire par rapport à la subsistance. Ils ne voulaient pas que cela leur partage cette subsistance. Et donc il partait avec cette fille et la jeta dans un puits. Et la fille parlait. Donc, on comprend qu'elle a déjà un certain âge parce qu'elle disait abati, abati, ô mon père, ô mon père. Donc il y a au moins, on va dire minimum 20 mois ou quoi, il y a suffisamment de mois pour pouvoir sortir ces paroles-là. Et donc cette personne-là jette la fille dans le puits jusqu'à ce qu'elle meure. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure au point où ses larmes ont séché. Il a pleuré abondamment, tellement que ses larmes ont séché. Et il dit à la personne, recommence l'histoire. Il demande à cette personne de recommencer l'histoire. Et recommence l'histoire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleure abondamment jusqu'à ce que, donc deux fois de suite, jusqu'à ce que les larmes ont totalement séché. Donc on voit la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis des histoires qui sont lourdes, des histoires qui sont justement tristes, il a fait les. Et aussi sallallahu alayhi wa sallam, guide le hadith rapporté par les mêmes musulmans, les gens du paradis sont au nombre de trois. Ahlul Jannah, thalathatun. Fadhakara minhum rajulun rahimun raqiqun qalbi likulli dhi qurba wa muslim. Likulli dhi qurba wa muslim. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, les gens du paradis sont au nombre de trois. Il y a trois types ou trois catégories de gens au paradis. Et il cite et mentionne parmi ceux-là un homme qui est miséricordieux, avec un cœur tendre, et qui a un cœur tendre avec tous les proches et tous les musulmans. Il est tendre avec, ou doux, avec tous les proches et tous les musulmans. Et toujours, donc on voit qu'on ne sort pas toujours, comme on l'a dit depuis hier, on ne sort pas du contexte de Al-Sunnah. On ne sort pas du contexte de Al-Sunnah wa Al-Jama'a. Comme quoi tu vas obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il dit, et tu ne vas pas sortir du groupe parce que tu vas être miséricordieux avec ce que tu aimes, avec les gens justement de la Sunnah et du consensus. Plus les gens sont proches de la Sunnah, plus tu vas les aimer, plus tu vas les aimer. Et parmi aussi ce qui nous pousse à entrer au paradis, c'est le fait d'être bon envers ceux qui sont faibles, le fait d'être bon envers ceux qui sont âgés ou ceux qui sont pauvres, car ces gens-là sont des sababs pour la victoire. Ce sont des sababs avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la victoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Hal tunsaruna wa turzakuna illa bidu'afarikum. N'est-ce pas que vous avez la victoire et que vous recevez votre subsistance que par vos faibles? Le khair que tu as, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala accepte les doigts des faibles. Accepte donc, là il y a les doigts afa, en vérité, il y a donc doigts afa ikum, donc les faibles, les personnes âgées, les pauvres, il a fait les vies. Par leurs doigts, par leur ikhlas et par leur prière. Par les trois points là, leurs doigts, leur ikhlas et leur prière. Donc les gens doivent faire énormément attention à ces personnes-là. Parce que ce sont ces personnes, bi'idnillah, qui font justement ces doigts, de façon générale pour tous les musulmans, et Allah subhanahu wa ta'ala te descend ta subsistance de par les du'as, comme il a été mentionné. Et aussi il dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam muslim, rubba ash'af arba madfou'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Il est possible, ou certainement, quelqu'un qui est donc hirsute, hein, c'est-à-dire qu'il a les cheveux, donc il n'est pas peigné, il a de la poussière sur lui, un signe d'apport par exemple. Metfour, abweb, c'est-à-dire que lorsqu'il frappe aux portes, lorsqu'il va aux portes, les gens le rejettent, il est rejeté auprès des gens. Si il jure par Allah, Allah accepte. Lorsqu'il fait un serment, Allah subhanahu wa ta'ala accepte ses doigts. Donc, l'attrait physique ou la richesse de la personne ou sa notoriété ou autre ne fait pas de lui quelqu'un de bien. Automatiquement, ne va pas le faire de lui quelqu'un de bien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit que celui qui ne s'empresse pas à commettre de bonnes œuvres, ce n'est pas sa notoriété ou bien sa lignée qui va le faire, c'est-à-dire le faire accélérer. C'est pas lui qui va être accéléré dans le bien parce que même si c'était parmi la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce sont les actes qui comptent, ce sont les actes qui comptent des personnes. Ce sont ce qu'il dit, ce qu'il pense et ce qu'il fait. Parmi aussi ce qui pousse les gens à entrer au paradis, c'est le fait de répandre le salut, le fait de répandre le salut. Et on voit toujours qu'on protège justement l'entité des musulmans, on va protéger par rapport à l'entité des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte des hadiths rapportés par Abu Daoud. Il a été authentifié par Al-Albani, rahmatullah alayhi, Jami'a. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, Inna awla al-nas billahi man bada'ahum bis-salam. Certes, les personnes les plus proches d'Allah subhanahu wa ta'ala sont ceux qui commencent le salut. Sont ceux qui commencent le salut. Parce que lorsque tu vas commencer le salut, tu vas faire disparaître quelque chose qui est l'orgueil. Parce que tu vas commencer. Tu vas faire disparaître une chose qui est déjà l'orgueil. Et tu vas amener quelque chose, tu vas amener l'amour de la personne envers toi. Tu vas amener, tu vas pousser la personne à t'aimer automatiquement. Et awla an-nas bi rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux qui sont donc, les plus proches, ou bien le fait que ceux qui sont les premiers, ou bien ceux qui méritent le plus, justement, d'être proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, par ou de recevoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement le fait de saluer le premier. Le salut, donc le salam, c'est bien un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, il y a des règles de salut. Enfin, s'il y avait un grand groupe, comme si, c'est-à-dire cette assemblée-là, si quelqu'un entre maintenant dans la mosquée et qui dit salam alaikum, il n'est pas obligé de le dire fort. Il n'est pas obligé, maintenant, pour déranger quoi, de dire que afin que même celui qui est le dernier contre le mur là-bas doit répondre. Il le dit doucement et il suffit que un d'entre nous le dise. Parce que ce qui compte, c'est que ça a été répondu. Lui, il va saluer, c'est une sunna. La réponse, elle devient obligatoire. Donc si un, c'est-à-dire que ça sera fartifaï, c'est-à-dire que si un répond parmi nous, cela suffit. Cela sera suffisant. Le jeune va répondre. Donc le jeune va saluer le premier, celui qui est plus âgé, par respect de l'âge du plus âgé. Le petit groupe va saluer en premier le grand groupe, par respect au nombre du groupe. Celui qui marche va saluer celui qui est déjà assis, celui qui est déjà sur place, par respect parce qu'il est là. Celui qui est en monture aussi va saluer celui qui n'est pas en monture. Parce que justement, des fois lorsqu'on est en monture, imaginez-vous, ça serait un cheval ou n'importe quelle monture, on peut avoir un type d'orgueil ou bien quoi que ce soit, alors pour se casser, pour enlever justement cet orgueil-là, on va saluer les premiers, justement ceux qui sont, c'est-à-dire ceux qui sont assis ou bien ceux qui sont sans monture. Ici, et aussi, toujours par rapport au salut, dans un hadith rapporté par les mêmes musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Walladhi nafsi biyadi la tadkhulu al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabattum afshaw salam afshaw salam baynakum. » Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc il jure. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit auparavant, il n'a pas besoin de jurer. Il parle sur la sujet est suffisant, mais il a le jure pour appuyer sur la chose, pour montrer l'importance de la chose. Vous n'entrerez pas au paradis que si vous êtes véritablement croyant. Et vous ne serez pas croyant jusqu'à ce que vous aimiez. Ne vais-je pas vous montrer quelque chose que si vous allez le faire, vous allez vous aimer? Répandez le salam entre vous, répandez le salut entre vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore une fois, donnait le résultat à la fin, afin de montrer les étapes. Ça, c'est toujours, c'est une méthode du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on retrouve dans énormément de hadiths. Il ne donne pas le résultat. Il n'a pas dit, répondez le salam et vous irez au paradis. Il a commencé. Il jure, vous n'allez pas entrer au paradis. Que si vous faites ça. Que si, comme ça. Que si vous avez d'abord la foi. Hein, et vous n'aurez pas la foi que si vous allez commettre l'acte de la foi, qui est justement, c'est-à-dire, c'est un acte du cœur qui vient, donc qui est l'amour. Aimer les gens en Allah et les détester en Allah, le fait de les aimer ici en Allah. Donc vous allez paraître croyant que si vous allez aimer en Allah, bien sûr, ne vais-je pas vous montrer quelque chose, hein, que si vous allez le faire, vous allez vous aimer. C'est, donc et après il donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam le résultat de cela, hein, comment faire la méthode afin de pouvoir s'aimer et afin de pouvoir acquérir justement cette foi qui amène automatiquement au paradis. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par Ibn Majah, il a été authentifié par Al-Albani, rahmatullah alayhim, « Ya ayyuhannas, ifshaw salam wa at'imu ta'am wa sallu al-arham wa sallu al-nas al-niyam tadkhulu al-jannah bis-salam. » Aux gens, répandez le salut, donnez de la nourriture, gardez ou tissez les liens de parenté, priez alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute sécurité, bisalam, ou avec salut. Et il dit bien, donc là, sallallahu alayhi wa sallam, il nous mentionne, il nous montre ces quatre choses, et parmi les choses, justement, le salut. Donc le fait de saluer les gens, ça te permet de te faire aimer par les gens, tu vas donner de la nourriture, donc il y a toujours un lien, généralement, c'est-à-dire en général lorsqu'on cherche à qui donner par exemple de la nourriture, si ce n'était pas une invitation par exemple personnelle, c'est souvent ceux qui n'ont pas les moyens, par exemple des pauvres. Qui sait les liens de parenté, et on a vu l'importance de cela hier, ainsi que le grand danger de rompre les liens de parenté, et prier alors que les gens dorment, prier la nuit. Vous entrerez au paradis bissem en toute sécurité. Et en toute sécurité, ça pourrait être, Allah a'lam, sans hisab et sans adab. C'est aussi en toute sécurité, parce que tu rentres en toute sécurité. Donc en toute sécurité, on comprend que tu peux y rentrer aussi rapidement, hein, comme si c'était le clignement de l'œil, ou l'éclair, ou le cheval au galop, lorsque tu vas passer sur ce pont salat, ou que tu vas rentrer, par exemple si tes hasanat étaient masalem équivalentes à tes CIF, que tu vas y entrer par justement, donc ce sera peut-être une intercession pour toi, et que tu vas entrer directement. Donc ça va être une intercession pour que tu y entres facilement. Ou bien que si tu vas entrer au paradis, alors que tu méritais maintenant un niveau, on va donner un chiffre pour qu'on s'imagine un peu, le niveau 30, tu vas te retrouver peut-être au niveau 40. Ou si tu devais y entrer maintenant, à l'origine, c'est possible que la personne avait peut-être les péchés plus grands. C'est-à-dire plus nombreux ou plus lourds dans la balance que les hasanat, que les bonnes œuvres, et peut-être ces œuvres-là vont justement faire disparaître ces mauvaises œuvres, et que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te faire entrer en enfer, et tu vas peut-être y entrer, et tu vas y entrer directement, je veux dire, au paradis, alors que tu méritais d'entrer ne serait-ce qu'un court séjour en enfer. Donc, il y a plusieurs possibilités d'entrer après le paradis, il y a plusieurs façons d'entrer au paradis. Par rapport au shafa'a et l'akhiri. Rien que le shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en retrouve 7 limites différentes. Donc toujours parmi ce qui aide les gens à entrer au paradis, c'est le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait donc de ne pas perdre son temps, le fait de ne pas perdre son temps. Et ce prénom, c'est quelque chose de tellement important que ce sont les gens du paradis qui vont regretter. Au paradis, on ne regrette de rien, sauf d'une chose. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les hadiths rapportés par Tabarani, et l'authentique, il dit ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكر الله عز وجل فيها. Il n'y a pas quelque chose, hein, qui va faire regretter les gens du paradis. Ils sont au paradis. Là, qui va regretter d'une chose, c'est d'une heure, d'une heure, hein, qui leur est passée et qui ne se sont pas rappelés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une seule heure. Une seule heure. C'est maintenant, on va compter maintenant les journées où on a essayé d'œuvrer, où on a entendu les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, hier, il y a eu 5 cours. Mais malgré qu'on a peut-être écouté 5 cours, qui sont, on va dire, dans notre vie habituelle, beaucoup, parce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter 5 cours tous les jours, et pourtant on a peut-être perdu 2, 3, 4, 5, 10 heures, ne serait-ce que hier. Ne serait-ce qu'un jour où on a quand même essayé de remplir cette journée de rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que par les cours. Ne serait-ce que par les cours. Alors imaginez-vous, une heure va être regrettée chez les gens du paradis. Une seule heure. Alors imaginez-vous un petit peu toutes les heures qui sont multipliées et multipliées. C'est pour ça qu'il faut, dans cela, si c'est pas l'heure de prier, si c'est pas l'heure de lire le Coran, si cela, le fait minimum de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala par la langue, de faire le rappel, de dire donc les paroles comme subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, mathalan. Ça c'est des exemples. Et le fait que la personne va le dire abondamment, Allah subhanahu wa ta'ala va énormément le récompenser. Il fait entrer au paradis, il est loin de l'enfer. Il lui donne énormément de hasanat. À chaque fois qu'il dit ces paroles-là, il aura un palmier qui va pousser au paradis. Il va lui donner par chaque mot la hasanat. Comme alhamdulillah, tu l'as. Si tu dis alhamdulillah parce que tu as bu, parce que tu as mangé, ou parce qu'on t'a posé la question si tu vas bien, tu réponds alhamdulillah, donc tu as eu un sabab. Lorsque tu te rappelles d'Allah bis sabab, par ces choses-là, tu as la hasanat. Et si tu te rappelles d'Allah sans sabab, par le hamd par exemple, tu en as 30. Tu as marché dans la rue, puis tu as dit alhamdulillah sans avoir au préalable reçu quelque chose, tu n'as pas bu, tu n'as pas mangé, tu entres au paradis. Et si tu le dis en plus, alhamdulillah, c'est-à-dire lorsque tu fais une dua, alhamdulillah, après avoir mangé, la dua qui est connue après avoir mangé, Allah en plus, subhanahu wa ta'ala, va te récompenser et va te construire une maison au paradis. Il va te construire une maison au paradis. Il te construit une maison au paradis par rapport à cela. Donc si ta maison est au paradis, donc toi tu es avec ta maison. Tu es avec ta maison, tu es dans, justement dans ce paradis. Donc le se rappeler d'Allah énormément. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça. C'est vrai qu'on ne compte pas l'heure comme maintenant. Avant, les heures, elles n'étaient pas comptées comme maintenant. Les journées étaient divisées en 10. C'était pas en 24 heures. On considérait une journée en 10 étapes avant. Donc, lorsqu'on dit une heure, ça peut être même 20 minutes. Par à titre d'exemple, la dua qui est acceptée le jour du vendredi, l'heure qui est acceptée avant le maghreb, à la khilaf, avant le maghreb, le vendredi, beaucoup de ulama disent que c'est 20 à 30 minutes avant le maghrib, et que c'est pas bien sûr les 60 minutes pile. C'est-à-dire c'est un moment. Alors, c'est ça, c'est 12 minutes noires, c'est donc une partie de l'heure, c'est-à-dire c'est un moment, c'est un certain moment. Donc d'où l'importance en vérité de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les plus prédécesseurs étaient donc ne délaissaient rien. Ils essayaient tout le temps de faire le meilleur possible, le plus possible des choses, afin justement de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit, lorsqu'on parle de Abdullah ibn Mubarak, et pourtant c'est pas un compagnon, donc il vient après eux, Abdullah ibn Mubarak, on dit que si on lui disait que tu allais mourir dans X temps, il ne pourrait pas rajouter quelque chose dans son adoration, tellement il faisait tout au complet, tellement il ne délaissait rien, tellement il faisait tout au complet. Donc il n'arrive plus à rajouter. C'est comme ça il le fait, tout le temps de la meilleure façon, Alors que dire des compagnons du prophète, radhiyallahu anhum, ainsi que ceux qu'ils ont suivis parmi leurs élèves, parmi les tabi'in et les akhirin. Tous ces gens-là étaient considérés chez les gens, lorsqu'on disait comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois ils disaient regarde-lui. On va jusqu'à dire que même Ahmed ressemble au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles, dans ses actes et dans sa façon de penser. Ils essayaient énormément de ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leurs paroles, dans leurs actes et leurs faits. Et on voyait en lui, en eux, donc, c'est-à-dire une traduction vivante de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Ils avaient énormément compris ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné, c'est pour ça qu'on disait qu'il ressemble. Abu Daoud ressemble au prophète. Abdallah ibn Mas'ud ressemble au prophète. On retrouve ça dans justement, certains livres de hadith. Toujours aussi parmi ceux qui poussent et ce qui est important pour que les gens entrent au paradis facilement, c'est la recherche de la science. La recherche de la science. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man salaka tariqan yatlubu bihi ilma, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui prend un chemin à la recherche de la science, Allah lui facilite le chemin vers le paradis. Allah lui facilite le chemin vers le paradis. Donc les voies du paradis, elles nous seront facilitées. Elles nous seront facilitées. L'apprentissage et les actes qu'il va commettre par rapport à cela. Et bien sûr, l'étudiant et le savant ont une place trop importante dans la communauté musulmane. Ce sont les premières places. Le savant, c'est l'héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le savant, c'est lui qui te montre le bien, c'est lui qui te montre le cœur, le mal. C'est lui ton médecin, le médecin de ton cœur. C'est par lui que tu dois passer pour que tu puisses donc justement recevoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il va te faire comprendre les choses. Il va te faire comprendre et te faciliter justement cette voie au paradis. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, toujours par rapport aux bienfaits des savants et de la science, il dit Fadl al-alim ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Donc il dit, sallallahu alayhi wa sallam, la suprématie du savant vis-à-vis de l'adorateur, c'est comme ma suprématie vis-à-vis du dernier d'entre vous. Le dernier du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que énormément de personnes parmi nous, on ne connaît pas le son nom, on ne connaît peut-être pas de choses de sa vie. Hein, celui qui a fait, qui a peu, c'est-à-dire qui est peut-être entré en islam à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas été, on va dire, de l'importance des grands compagnons par exemple. Donc il y a une différence entre eux. Et aussi il dit sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah wa malaikatahu wa ahl as-samaa'i wal ardi hatta an-namla fi hujriha wa hatta al-hawt la yusalluna ala mu'allim an-nas al-khair. Hadith rapporté par Tirmidhi, il a été authentifié par Al-Albani. Et parmi les bénéfices qu'ils ont ces gens-là, les vertus de ces gens, c'est que certes Allah et ses anges et les gens des cieux et de la terre, jusqu'à même donc la fourmi dans son trou et aussi le poisson donc dans la mer, prient pour celui qui enseigne les gens le bien, pour celui qui enseigne les gens le bien. Car enseigner la science, bien sûr, c'est enseigner le bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc mentionne énormément les savants et les gens de science dans le bien. Lorsqu'il dit bien, شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a attesté que nulle divinité en toute vérité, c'est sauf lui, donc c'est-à-dire les anges, et les anges sont aussi témoins qu'Allah est seul sans associé, et les gens de science, et Allah subhanahu wa ta'ala a pris pour la parole la plus importante, qui est l'Allah, les témoins les plus importants, les anges, les meilleurs de ces créatures qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans le désobéir en quoi que ce soit, et les gens de science, ulul ilm, il les a pris en tant que témoins. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur fait une tesquia. C'est une tesquia, les gens de science. Parce qu'Allah les prend comme témoins, comme quoi ils savent, ils connaissent cette parole, et en plus ils sont justes. Ils sont justement, ils ont justement cette justice. Ils sont justes, les gens de science. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pris personne d'autre. Il n'a pas pris un abid. Il n'a pas pris autre personne. Des gens qui vont juste adorer, donc des adorateurs. Il a pris parmi les témoins les anges et les gens de science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit que par cette science, donc tout successeur juste. Et c'est pour ça que les gens de science, lorsqu'il y avait des fois entre deux personnes une querelle qui se retrouvent au tribunal, si l'un d'entre eux disait, le juge lui disait, as-tu un témoin? Il disait, oui, j'ai un tel comme témoin, et tu le connais comment? Est-ce qu'il est juste? Oui, il est juste. Comment tu le connais? Parce qu'il écrit le hadith. Parce que c'est un savant, parce qu'il écrit le hadith. Et le juge acceptait son témoignage parce que c'était un muhaddith, c'était une personne de science, parce qu'il disait celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a zaki, donc ne peut être que zaki par moi. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a justement, donc zaki, a vanté les mérites de ces personnes-là. Donc il est automatiquement vanté par ceux qui savent, qui connaissent exactement, qui comprennent les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il donne l'exemple de la différence entre le savant et l'adorateur, donc c'est comme la différence entre lui et donc le dernier des compagnons. Et le dernier des compagnons, on ne le connaît pas. Donc c'est un abid, c'est une personne qui est commune. Ou bien très peu de gens vont le connaître. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qu'on va suivre. Donc ça veut dire que maintenant aussi c'est la même chose. Il faut suivre donc les savants. Mais quand suivre le premier venu, même si c'est un abid, même si c'est quelqu'un de bien, c'est pas lui qui va t'enseigner directement. directement ta religion. Tu peux profiter de lui s'il a quelques profits à donner, mais il ne sera jamais celui envers lequel tu vas être au salaire. Beaucoup profiter, comme si tu veux profiter chez d'un savant. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple en disant que les savants sont justement sont ces étoiles, les étoiles avec, par lesquelles on va se guider la nuit. On va se guider la nuit lorsque, si on était dans les ténèbres, donc ce sont eux qui illuminent ce ciel dans les ténèbres. Donc les ténèbres, c'est le djinn, c'est l'ignorance, c'est le volumètre, et ces lumières-là qui vont être justement, donc tu vas te guider comme ça. Et il a aussi donné l'exemple avec donc la lune, la pleine lune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple du savant avec la pleine lune. Il n'a pas donné l'exemple avec le soleil, et on va voir pourquoi. Car la pleine lune, donc la lune, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple du savant, ou bien du grand savant, ou bien de lui-même, par la pleine lune. Par la pleine lune. Et on sait que la lune, elle change. Car elle change. Donc, au début, à la fin du mois, elle va être petite, elle va monter, elle va, donc elle va redevenir petite. Car les savants sont différents. Il y a des savants qui ont plus de bienfaits que d'autres. Il y a le petit savant, il y a le grand savant, si on pourrait dire ça comme ça. Donc il y a des gens qui ont plus de science. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas comparé ce savant avec le soleil. Parce que le soleil ne bouge pas. Il reste, que ce soit du matin au soir, ça reste le même soleil. Ça reste le même soleil. Il n'y a pas de différence. C'est pour montrer, en vérité, donc là, cette parabole-là, c'est pour montrer que entre les savants, bien sûr, il y a une différence. Il y a des savants qui ont plus de science, maintenant, que d'autres. Que ce soit dans un domaine ou que ce soit dans plusieurs domaines. Et parmi aussi ce qui va faire profiter les gens d'entrer au paradis, c'est le fait de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de dire mathalan sallallahu alayhi wa sallam ou autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Zahid qui est rapporté par le Baraoui, il est authentifié par l'Albani, rahmatullah alayhi. Donc il dit, man salla alayya thalathan sallallahu alayhi ashra marat. Wa buniya lahu baytan fil jannah. Wa buniya lahu baytan fil jannah. Donc on est toujours dans notre sujet du paradis. Donc celui qui prie sur moi trois fois, Allah prie sur lui, non, bien sûr, il va lui faire miséricorde, il va lui pardonner, il va lui faire miséricorde 10 fois. Et il lui construit, lui bâtit une maison, une demeure au paradis. Donc, comme on l'a dit auparavant, si ta demeure est au paradis, donc, il faut bien un habitant dans cette demeure. Tu seras justement cet habitant. Et les gens, toujours les gens qui saluent le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore une fois les gens du hadith. C'est encore une fois un hadith. Ceux qui écoute abondamment et qui enseigne, qui apprennent les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils sont tout en train de répéter sallallahu alayhi wa sallam dès qu'ils entendent ce hadith. Ce sont ceux qui prient le plus sur lui. Ce sont ceux qui prient le plus sur lui. C'est pour ça qu'ils étaient appelés al-hadith. Et lorsqu'il y avait les futuhat, les gens les appelaient aussi les gens du prophète. Il y a eu des gens parmi les gens qui connaissaient pas encore vraiment bien. Ils attendaient tellement les compagnons, ou bien c'est-à-dire ceux qui ont ouvert ces contrées-là, et qui rappelaient énormément le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont dit ce sont les gens du prophète. Ce sont les gens du prophète, parce que tellement ils entendaient sallallahu alayhi wa sallam, ou les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, il dit sallallahu alayhi wa sallam, Man salla alayya hina yusbihu ashra, wa hina yumsi ashra, adrakathu shafa'ati yawm al-qiyamah. Donc celui qui prie sur moi lorsqu'il se lève 10 fois et lorsqu'il se couche 10 fois ou lorsque vient le soir 10 fois va lui arriver mon intercession le jour dernier. Il va profiter de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va profiter de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est rapporté par Tabarani wa hassanahu al-Albani rahmatullah alayhim jami'a. Parmi aussi ça c'est bien sûr quelque chose qui est bien à dire, spécialement le jour du vendredi. Donc le jour du vendredi, qu'on sait que c'est un jour où il y a énormément de bienfaits. Donc on peut retrouver le fait de lire par exemple Sourate al-Kahf. Donc par exemple, en général on remarque qu'on lit beaucoup le Coran avant la prière du Jumu'ah. Et sachez que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant la prière du Jumu'ah, priaient beaucoup. Ils priaient Masha'Allah, hein, tout ce qu'Allah leur a écrit avant la prière du Jumu'ah. La sunna, c'est en vérité de prier, jusqu'à ce que l'imam arrive. Alhamdulillah, tu vois, ou avant ça, ou après ça, pour lire cette sourate. Donc il est mieux en vérité pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme l'a fait le compagnon du prophète, de prier énormément. Vous pouvez revenir dans Donc le Kitab al-Jum'a dans Sahih al-Bukhari. Revenez dans Sahih al-Jum'a de Sahih al-Bukhari, vous allez retrouver ces récits-là. Celui qui va contenir sa colère. Aussi, celui qui va contenir sa colère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, et il a été déclaré donc comme bon par l'imam Albani, Ahmadullah Alim, Men qadana redan wa huwa qadirun ana an yakidahu, daha Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'us al khalaiq yawm al qiyamati hatta yukhayyirahu min al hur al ayn ma sha'. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui retient sa colère alors qu'il est capable de lâcher ou de laisser aller sa colère, Allah va l'appeler devant tout le monde, Allah Ta'ala va l'appeler donc devant tout le monde, devant tous les gens, le jour dernier, jusqu'à ce qu'il choisisse des Hur'ayn, de ces femmes du paradis, comme il veut. Comme il veut. Donc s'il choisit des femmes du paradis, ça veut dire qu'il sera au paradis. Automatiquement, parce qu'il choisit des femmes du paradis, donc il rentre au paradis. Donc d'où l'importance de se retenir et de se contenir. Et il dit aussi, ça fait partie justement de l'ihsan. Ça fait partie de l'ihsan, de réussir des fois. Ça fait partie des points qui vont amener à la personne à avoir cette bonté, cette bienséance, si il contient sa colère. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ. Donc celui qui va retenir sa colère, Allah va cacher ses défauts. Allah va cacher ses défauts. وَمَنْ قَدَمَ غَيْضًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْدِيَهُ عَمْدَهُ مَلَعَ اللَّهِ قَلْبَهُ رِدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et ce hadith est rapporté par Tabarani wa Ibn Abi Dunya wa Hassanahu al-Albani rahmatullah alayhim jami'a. Et il dit aussi, donc celui qui contient sa colère, alors que s'il veut, il relâche sa colère, c'est-à-dire il veut, donc il se met en colère contre la personne, Allah va remplir son cœur d'agrément le jour dernier. Si ton cœur est rempli d'agrément le jour dernier, que veux-tu après cela? Ce qui a pris encore meilleur. Donc ça sera le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas mieux. Rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas mieux. C'est pour ça qu'on dit radiallahu anhu pour les meilleures des personnes. Que Allah agrée de lui. Parce qu'il n'y a pas mieux que cela. Il n'y a pas mieux que de recevoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, parmi ceux qui donc poussent les personnes à entrer au paradis aussi, c'est le fait de réciter le verset du trône, Ayat al-Kursi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Men qara Ayat al-Kursi aqiba kulli salah lam yamna'u min dukhul al-jannah illa an yamut » C'est un hadith rapporté par Nasa'i, il a été authentifié par Al-Albani rahmatullah alayhim jami'a. Donc celui qui lit Ayat al-Kursi après chaque prière, après chaque prière, rien ne l'empêche d'entrer au paradis sauf la mort. Qu'est-ce que ça veut dire sauf la mort? C'est-à-dire qu'entre lui et le fait d'entrer au paradis, donc il y a des étapes. Et parmi les étapes, donc justement, donc c'est la mort. L'étape, c'est la mort. Ayat al-Kursi, qui est le meilleur verset du Coran. C'est le meilleur verset du Coran. C'est pas la meilleure sourate. La meilleure sourate, c'est Al-Fatiha. Al-Fatiha, aucune sourate n'est descendue pour elle dans aucun livre. Dans aucun livre. Et Ayat al-Kursi, c'est le meilleur verset. Car il comprend aussi l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces trois principes. Ainsi qu'on retrouve 10, comme le dit Shahadat al-Abbas, on retrouve 10 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va retrouver 10 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous connaissez le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Ubay ibn Ka'b, radhiyallahu anhu, un des plus grands savants vis-à-vis du Coran, il lui a dit quel est le meilleur verset. Donc il a su répondre. Il a su répondre Ubay en disant que c'est Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi. Il a répondu directement vis-à-vis de, donc par rapport à plus de 6000 versets, il a tombé juste. C'est pas facile à faire. Et bien sûr, donc à ce moment-là, il faut procéder par élimination pour arriver à cela. Parce qu'il sait très bien, Ubay, que l'importance, les versets les plus importants sont les versets qui mentionnent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont parler d'Allah directement subhanahu wa ta'ala. Le fait de lire Ayat al-Kursi, c'est mieux que si tu lisais le verset Tabbat yada, mathalan. Donc le Ayat al-Kursi est plus important que ce verset-là. Donc il mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus, en mentionnant Allah subhanahu wa ta'ala, il a Donc, choisis le verset où il est énormément cité les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans toujours les trois catégories de tawhid, donc al-uluhiyya, al-rububiyya, al-asma wa sifat, le plus important, c'est asma wa sifat. Le plus important, c'est asma wa sifat. C'est lui qui va faire de toi un vrai adorateur. C'est le plus important, parce que tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une science noble, c'est selon ce qu'il y a à l'intérieur de cette science. Une science, elle est noble, plus ce sera important dans ce sens, parce que elle est noble. Pourquoi? Parce qu'on parle des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Y a-t-il mieux que cela? Tu peux chercher, tu ne vas pas trouver. Tu peux chercher, et ce n'est pas possible de trouver, parce que tu parles directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ses attributs, de ses qualités. Et c'est pour ça que donc c'est le meilleur verset. Et Ubay l'a compris. Bien sûr, c'est un grand savant du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, a choisi la personne adéquate pour pouvoir répondre à cette question. Aussi, parmi ce qui va interdire les gens de l'enfer, les entrer et les faire entrer au paradis, c'est des invocations. Et parmi les invocations, vos hadiths rapportés quoi. Donc, ça a été authentifié par le Barawi à ce moment-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man istajara billah min an-nar thalathan, qalat an-nar Allahumma ajirhu minni, wa man sa'ala Allah al-jannah thalathan, qalat al-jannah Allahumma adkhilhu fi, ou fiya. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam: celui qui demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre l'enfer trois fois, l'enfer dira: oh Allah, protège-le de moi. Et celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis trois fois, le paradis dit: oh Allah, fais-le entrer donc chez moi, pour moi, fais-le entrer pour moi. Donc le paradis parle, l'enfer parle. Et ils vont demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour celui, donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire fais en sorte que le paradis et l'enfer entendent tes doigts, parce que tu les mentionnes, et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, comment Allah alain, mais ils vont entendre le paradis et l'enfer entendre ce que tu dis. Et aussi, donc par rapport à cette dua-là, on sait que cette dua-là est entendue de chez eux, et ils répondent. Et ils répondent pour toi. Ils répondent pour toi. Donc celui qui le dit bi'idhnillah sincèrement, on peut-être bi'idhnillah, donc on rend justement cette grâce. Et vous avez remarqué que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit maintenant, lorsqu'il parle de Allah, souvent on voit qu'il dit tabaraka wa ta'ala, ou bien ta'ala ou bien azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, énormément, lorsqu'il cite Allah subhanahu wa ta'ala dans les hadiths, on voit. Il ne s'arrête pas juste à dire Allah. Il dit Allah, ou bien, et il rajoute Tabaraka wa ta'ala, ou bien Azza wa Jal, ou bien Ta'ala. Parmi aussi les causes d'entrer au paradis, c'est le bon comportement. Husnul Khuluq. Husnul Khuluq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite dans un hadith qui est rapporté par un muslim: Inna min khiyarikum ahasnukum akhlaqa. Certes, parmi les meilleurs d'entre vous, ce sont ceux qui ont les meilleurs, ce sont ceux qui sont dotés des meilleurs comportements. Ceux qui sont dotés des meilleurs comportements, ou bien des plus nobles comportements. Des plus nobles comportements. Il y a énormément de chadis sur le comportement. Énormément de chadis sur le comportement. Et Abu Hurayra dit, on questionna le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui fait le plus entrer les gens au paradis. Il dit, taqwallah wa husnul khuluq. La crainte d'Allah et le bon comportement. Et on questionna aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce qui fait le plus entrer les gens en enfer. Il dit la bouche et le sexe. La bouche et le sexe. Et le sexe. Et les comportements. Et c'est ce qui est rapporté par Tirmidhi. Et il est considéré comme bon par Al-Albani rahmatullah alayhi. Il a été déclaré comme bon. Donc le comportement, c'est justement quelque chose qui est très important. Donc le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le meilleur comportement. Donc ça veut dire que le comportement, c'est quelque chose qui est très noble, parce que tu deviens le meilleur. Tu ne deviens pas le meilleur parce que tu auras fait plus de prières ou quoi que ce soit, tu seras le meilleur parce que tu as eu le meilleur comportement. Et aussi il dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui est l'assise la plus proche de moi, c'est celui qui a le meilleur comportement, celui qui sera le plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que plus tu auras un bon comportement, plus tu seras comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi celui qui a un bon comportement va avoir donc le degré de celui qui prie et jeûne énormément, de celui qui prie et jeûne énormément. Et le prophète aussi sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis du comportement, il a si c'est une règle. Là, c'est une règle. Si tu veux savoir si tu as un bon comportement, regarde comment tu es avec ton épouse. Car elle est là la règle. La règle du comportement, du bon comportement, elle est comment? Donc, parce que le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur qui est auprès de son épouse. Et je suis le meilleur d'entre vous, parce que le prophète, c'était lui qui était le meilleur dans son épouse. Donc le prophète, ça m'a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur auprès de son épouse. Donc regarde, si tu es... C'est facile, on peut se retrouver face à des gens, face à des frères, des gens qu'on connaît ou qu'on connaît pas. On va être bien. On va montrer, on va se trouver même devant un chiffre, on va montrer le meilleur d'entre nous. Mais est-ce que dans la maison, est-ce que dans la famille, dans l'épouse, spécialement parce que c'est avec elle qu'on passe le plus de temps, on a le meilleur comportement. Donc tu veux savoir vraiment si tu es... Si tu as un bon comportement, regarde comment tu es avec ton épouse, parce que là, tu as la règle. Tu as une règle. Tu as justement une règle. Et il y avait énormément de règles comme ça pour savoir si tu étais vraiment croyant ou pas. Abdullah ibn Mas'ud dit, celui qui va y voir si vraiment il aime Allah, qu'il fasse face au livre d'Allah. Si tu veux vraiment savoir si tu aimes Allah, comment es-tu avec le Coran? Comment es-tu avec le livre d'Allah? Donc ibn Mas'ud dit ça. Regarde-toi face au livre d'Allah. Est-ce que tu le lis? Est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu respectes l'akhiri? À ce moment-là, tu sauras si tu es véritablement quelqu'un qui aime Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était descendue. Le seul lien qu'on a entre nous et Allah, c'est par son livre. Par justement ce livre-là. J'ai le lien direct pour savoir comment elle est justement notre religion. Et il dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vis-à-vis des gens qui ont des bons comportements, inna akrabakum minni majlisan hasidukum akhlaqa almu'atta'un aknafan alladina yaklafun wa yuklafun. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, certes, ceux qui seront assis la plus proche auprès de moi, ce sont ceux qui ont les meilleurs comportements, ce sont ceux, mu'atta'un, c'est-à-dire ce sont ceux avec qui tu dors. Maintenant, on donne un exemple au Hajj. C'est un exemple avec qui tu vas voyager, et ce seront tous tes compagnons donc de couche qui vont dormir à côté de toi et qui ne te gênent pas. Le mot attaou, c'est-à-dire qu'ils dorment à côté de toi, ils ne t'embêtent pas. Tu t'endors, il va se taire. Il va baisser le son, il va baisser la voix, il va te laisser dormir tranquille, il ne va pas te gêner. Il ne va pas prendre toute la place, parce que tu n'as pas de place pour toi. Voilà, aknafan, et ça c'est aussi celui qui est un bon compagnon, c'est-à-dire qui est un bon compagnon. Ceux qui facilement deviennent tes compagnons, donc ce sont de bons compagnons, ce sont des gens avec qui facilement tu prends des liens, et c'est aussi des gens que facilement les gens ont envie de prendre des liens avec. Ce sont des gens en vérité que lorsqu'ils sont là, tu es content, et lorsqu'ils ne sont pas là, tu ressens justement, c'est-à-dire leur absence. Leur absence, elle est ressentie. Ce sont des gens de bien. Lorsqu'il est là, tu aimes qu'ils sont là, et lorsqu'ils ne sont pas là, tu ressens leur absence. Ce sont eux, donc les meilleures personnes qui seront les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ne causent pas de mal, ils ne causent pas de tort aux gens, ils sont faciles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Il était énormément comme ça. Il était énormément, donc on voit énormément que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. On voit Jabal al-Khalid qui est rapporté par Anas. Il dit bien qu'il a donc travaillé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 ans. Ou ce qui rapproche de 10 ans. Et il n'a jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dire lorsqu'il faisait quelque chose pourquoi tu as fait, ou lorsqu'il ne faisait pas pourquoi tu n'as pas fait. Et là on ne parle pas pour ce qui est de la religion. C'est pas il n'a pas pris sur sa lèvre et lui dit pourquoi il n'a rien dit, c'est pas ça. C'est dans les choses de la vie d'ici-bas. Il pose le verre là, il ne dit pas pourquoi tu as posé le verre là. Il n'entre pas dans cette utilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'entre pas dans ce qui ne va pas le faire profiter ni dans la vie d'ici-bas ni dans l'au-delà. Il n'y a pas de temps avec ça. Son temps c'est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Shaitan nous occupe avec ce qui est moubah, avec ce qui est licite, pour qu'on oublie ce qui est important. On passe trop de temps, même si c'est pas haram, dans ce qui est licite, pour oublier les choses qui sont donc d'adoration d'Allah, justement. Et c'est pour ça que le prophète ne disait rien. Il passe pas son temps à ça. Il ne calcule pas. Je vous donne un exemple. Donc, à mon avis, beaucoup d'entre vous ont entendu que Cheikh Ibn Baz, souvent, il ouvrait sa porte, ou pratiquement tous les midis, sa porte est ouverte pour ceux qui viennent manger chez lui. Donc il y avait tout le temps les grands plats servis, il est gorgé pour que les gens mangent. Et puis, parmi les serviteurs, ceux qui posent, donc ils remarquaient que des gens mangeaient que la viande. C'était l'époque qui venait, ils mangeaient que la viande, ils étaient les céleris, et ils mangeaient que la viande. Eux, ça les touche. Et Shirin Bez leur dit, laisse-les. S'ils aiment la viande, laisse-les. Laisse-les. C'est-à-dire que Ils sont tellement au-dessus, ces gens-là, ils sont tellement arrivés à un niveau d'adoration que ça c'est futile pour eux. Ils peuvent très dire, ah celui-là il m'énerve parce qu'il mange plus de viande. Mais trop fou, ils n'entrent pas dans justement ce qui ne l'intéresse pas, parce que ça ne va pas l'intéresser au point de vue religieux. Et ça ne va pas faire augmenter son acte, hein, dans le sens où sa bonne raison. Ça ne va pas, pour ça, ça va rabaisser, ça te rabaisse. Et ça c'est justement ce que les salafs évitaient. Ce que les salafs évitaient, c'est d'entrer, c'est-à-dire de faire de. Tout ce qui amoindrissait leur raison, ils l'évitaient. Tout ce qui amoindrissait leur raison, ils l'évitaient. Et parmi ça, c'est justement ce genre de plainte qui ne sert à rien, qui ne sert à rien. Et ça, ça rentre justement dans le bon comportement. Ça rentre dans le bon comportement. Et il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, toujours vis-à-vis du bon comportement, « Inna min ahabbikum ilaya wa akrabikum minni majlisan yawma qiyamati ahasinukum akhlaqa » Donc c'est le même début que ce qu'on avait auparavant. « Wa inna abradakum ilaya » وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة فرفادون فرفادون عفوا والمتشدقون ومتفيهكون ils disent, les compagnons du prophète, قالوا يا رسول الله قد علمنا فرفادون والمتشدقون فما متفيهكون قال المتكبرون et ce hadith qui rapporte par Tirmidhi, il est authentifié par l'Albani rahmatullah alayhim jami'a. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, certes. Donc celui qui est assis le plus proche auprès de moi et celui qui est le plus proche de moi, donc celui qui est préféré, le plus aimé de moi et celui qui est assis le plus proche auprès de moi le jour dernier, donc il va être auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Il va être à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Imaginez-vous un petit peu avec une milliard de personnes, une personne qui a un très bon comportement, il passe, il va dépasser tous ces gens-là pour se retrouver, hein, donc il va dépasser ces milliards de Adam jusqu'au dernier pour arriver à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit après ça, et le plus détesté, celui que je déteste le plus, et celui qui a l'assise la plus loin auprès de moi, donc c'est celui qui parle énormément dans les futilités, celui qui parle pour rien dire, fafadum, qui ne parle pour rien dire, hein, et aussi mutashad dirkoun, donc c'est ceux qui parlent avec une voix forte, ils ont un certain langage pour être hautain, donc ils sont hautains. Et ils aiment dénigrer les gens. Hein, mais ils aiment, dans leur façon de parler, on voit qu'il y a du kibr. Et après, il vient donc le mutakabbirun qui est al-mutakabbirun. Et ces gens-là, on va remarquer que ces attributs-là, c'est des attributs de ceux qui aiment faire riba en humain. Ces attributs, ça c'est les muqaddimat, c'est les entrées en matière pour entrer facilement dans riba en humain. Celui qui aime se faire remarquer devant les gens, celui qui aime que sa parole toujours prime. Parce que le fait qu'il aime être le premier, il faut qu'il casse les autres pour qu'il prenne la place tout seul. Il veut être tout seul. Nefsi, il a oublié tout le monde. Il est, pour lui, il s'imagine être au-dessus des montagnes et qu'il voit les gens petits. Mais qu'il n'oublie pas que pendant qu'il est dans sa montagne, les gens ne le voient pas. C'est lui qui s'imagine que les gens sont petits, mais en vérité, lorsqu'il est dans sa montagne, parce qu'il est dans quelque chose qui est énorme, en vérité, les gens ne le voient pas. Parce que tu le vois lorsqu'il est dans sa montagne, tu ne le vois pas. Donc lui, il s'imagine voir les gens, mais en vérité, c'est le contraire. Et ce point-là, ces gens-là, n'oublions pas que riba et namima, ce sont des grands péchés. Ce sont des grands péchés. Ce sont des péchés qui vont justement faire souffrir. Le namima, comme le disent les savants, le namima détruit en une heure ce que le sorcier détruit en six mois. Le namima, tu le fais, tu peux donc séparer tout de suite entre deux frères. Des fois, ça fait, il n'arrive pas à faire séparer entre un couple. Namima peut faire séparer en une heure ce que justement Sahet n'arrive pas à faire en six mois. Alors imaginez-vous un petit peu les dégâts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a trop protégés justement contre Namima, contre justement aussi les moyens d'arriver à Namima. Tout cela ramène à Namima. Donc déjà les muqaddimat, elles sont déjà interdites. Et nous demande de nous saluer entre nous, et nous demande de dire, de faire doigt pour notre frère dans l'invisible affairé. Justement, tout cela va enlever cette haine, va enlever cette animosité, et va donc automatiquement protéger les gens de riba namima. Et parmi les exemples de cela, de riba namima, c'est que maintenant, donc on sait que le riba, c'est le fait que tu dis sur ton frère, c'est quelque chose qui est sur lui, mais qu'il déteste. Et le déteste. Namima, c'est-à-dire que tu vas dire une vérité. Tu vas dire, il a dit ça sur toi. Sache, il l'a dit, tu l'as entendu, tu le dis. Il l'a dit, et toi tu penses que peut-être la faïda, c'est que tu protèges ton frère, tu lui dises. Mais en réalité, tu vas les diviser. Et cette division, elle est largement plus mauvaise, hein, donc ça va faire plus de mal. C'est même celle-là qui est largement plus grande que la parole que la personne a dit. Si tu te taisais, c'était mieux. Ou bien dis le contraire. En ce moment-là, tu as dit la vérité et tu prends un péché. Pourtant, tu as dit la vérité alors que on sait que normalement, le péché, c'est dans le mensonge. Tu as le droit de mentir pour justement, tu as le droit de faire le contraire, alors que normalement, c'est haram de mentir, mais là, tu as le droit de faire le contraire justement pour unir. Donc, tu as dit la vérité, mais tu as désuni. Et le contraire, c'est que tu aurais menti, mais tu aurais uni. Car sachez que celui qui fait donc cette namima, c'est grave pour lui. Et c'est grave pour la troisième personne. C'est-à-dire que celui qui a subi cette injustice à l'origine, eh ben lui, s'il accepte la namima de celui qui l'a protégé, il est pire que celui qui l'a ramené, il est pire chez les servants que celui qui l'a ramené. Parce qu'à l'origine, toi, tu sais que c'est un homme, tu sais que il commet des grands péchés, et tu sais que c'est haram. Donc tu n'avais pas le droit d'accepter. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك